J'ai découvert récemment des jeunes gens pleins de talent qui se nomment les Beatomans, dont je suis le plus grand fan. Ils affrontent les bandits au péril de leur vie, côtoient les pires des dangers, même au risque de trépasser. Salut, moi, je m'appelle Mathias. C'est vrai, j'ai beaucoup de classe. Vous n'avez pas voulu de moi. Je ne sais pas pourquoi. Vous m'avez abandonné sur Gomipaco 13. Je n'y étais pas très à l'aise. Heureusement que je suis balèze. Enrôlez-moi, je veux faire partie de votre équipe. Mettre des pincées, mon trip, je veux pouvoir me transmuter. Enrôlez-moi, je veux avoir des coups spéciaux, des pouvoirs paranormaux. Promis, je ne chanterai pas faux. Enrôlez-moi. Partir à l'hospice pour l'amour de la justice, en repoussant les canailles, les vidant de leurs entrailles. Ils ne connaissent pas la peur, se font parfois des frayeurs, mais échappent à la défaite grâce à un bon coup de tête. Enrôlez-moi, je veux pousser des cris gutturaux, devenir un héros, sauver Benjamin et Roméo. Enrôlez-moi, je veux devenir un justicier, repousser les plus vils qui en veulent à ma petite Lucille. Enrôlez-moi. Mais vous ne m'enrôlerez jamais.